Audiomatic. Le projet Block 57 introduisait la transmission 304 d'Audiomatic sur la pièce This Is Not America. La pièce apparaît sur l'album homonyme Block 57 paru en 1992. Audiomatic est et restera toujours un milieu propice à la transmission. Malgré la distanciation physique que les sonoristes vous imposent à travers les ondes hertziennes ou par l'entremise des signaux binaires, Audiomatic ne pourra jamais éviter la propagation. Thank you. Vous avez sans doute reconnu à Audiomatic le groupe britannique Depeche Mode et la chanson If You Want, extraite de leur quatrième album studio Some Great Reward, lancé en 1984. Mentionnons que la chanson If You Want a été composée par Alan Walder, tandis que toutes les autres pièces apparaissant sur l'album Some Great Reward sont l'œuvre de Martin Gore. Et précédemment à Dépêche Mode, nous vous avons présenté le groupe anglais Fields of the Nephilim qui nous interprétait la pièce Endomo Niada qui ouvre leur deuxième album The Nephilim paru en 1988. Audiomatic se poursuit sur la musique de Access to Arasaka. À Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre une pièce de l'artiste Rhys Fulber, soit Fission, apparaissant sur son plus récent album Hostalgia. Rhys Fulber est un des membres des formations Frontline Assembly et Delirium, et aussi le compositeur derrière le projet Conjure One. Avant cela, nous entendions une pièce du projet Black Film, à savoir Vegas, tirée de l'album 017. Et on amorçait la séquence avec Access to Arasaka et la pièce Licitia, sur laquelle on entend la voix du chanteur Jamie Blacker, qui collabore habituellement avec la formation Ivarden Sphere. La pièce que nous avons écoutée apparaît sur l'album Geosynchron de Access to Arasaka. Audiomatique se poursuit sur la musique de la compositrice et poétesse britannique Anne Clarke. Again. Venons tout juste d'entendre à Audiomatique l'artiste canadien Eric San, mieux connu sous le pseudonyme de Kid Koala, de son album de 2019 Music to Draw To, I.O. Nous vous avons offert la pièce Diamond Heart, à laquelle collabore la chanteuse belge Trixie Whitley. Tout juste avant, il s'agissait du collectif anglais Uncle, mené par James Lavelle, le fondateur de l'étiquette de disque Mowax, de l'album End Titles, Stories for Film, paru en 2008. Nous écoutions la chanson Against the Grain, à laquelle a participé le chanteur Gavin Clark, qui est malheureusement décédé en février 2015 à l'âge de 46 ans. Et pour débuter ce bloc musical, nous vous avons exposé à l'œuvre de la chanteuse britannique Anne Clark, particulièrement sa chanson Killing Time, que l'on peut retrouver sur son troisième album Joined Up Writing, sorti en 1984. Cette transmission 304 d'Audiomatique se terminera sur la musique du projet Attic and Enk, qui, avec le MC Mike Redman, nous propose la pièce de Moment of Truth apparaissant sur l'album Fear of the Unknown. Les sonoristes mettent déjà tout en œuvre afin que la transmission 305 d'Audiomatique puisse être diffusée mercredi prochain dès 17h sur les ondes de CFOU 89.1 FM et également afin qu'elle puisse être éventuellement rendue disponible sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic. Nous vous convions donc à être présents soit en direct ou en différé. Voici donc, pour terminer, Attic and Inc. avec Mike Redman, qui nous offre leur pièce The Moment of Truth. C'était Audiomatic avec les sonoristes. All for help. Remove pads from package and back unit. Plug in pads connector. Apply pads to patient's bare chest. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stand clear. Press flashing shock button. Shock 1 delivered. It is safe to touch the patient. Begin CPR. Now. I started pumping on his chest. CPR, gotta do it fast. Looks like a cardiac arrest. People are screaming like echoes in the back of my mind. What the fuck just happened? Open eyes and blind. It's the moment of truth. The answer to your lifelong question of faith misunderstood. All you got is you, unconscious on the concrete inside. You fight to survive, but here's your life review. 40 years and 10 seconds. When as an adolescent, look with present, the past the present. Your body's left, bruised, blood's coming from your mouth. Your pulse is getting weaker, no ambulance around. There's no signs of life returning. I smell fire, I recognize the smell of a soul burning. Gold diggers always think they win, but you can't take the dough when you go. Even though you gotta pay for your sins. It feels like I'm paralyzed, but opening my eyes and look up, seeing myself trying to save my own life. In panic, am I dreaming or dead? If this is what it's like, I must have missed the crossroad to paradise. Eternal suffering in the form of fright before I die is what it's like. And now I seem to know why I was a corporate crook with a smile dying soon. Selling lies, false trust and infected food. Stealing from the poor. Always wonder more as they drop my darkest secrets behind closed doors. Ruining thousands of lives with no remorse. It wars all in favor of myself like a conquistador. It's too late to set the record straight. I'm walking away from myself while my vision fades. I'm losing feeling, having trouble breathing. I hear demons scream, trying to stop my heart from beating. You will be reborn soon. It's your last chance to gain knowledge from scratch with minor flashes from the past. Walk the path of life, live it, and die righteous when it's your time.